Moi connais, je dis à m'a souffri. Même connais, demain m'a réussi. Avec soleil qui n'a que moi. Moi pas besoin me songer. Bonjour, pour me décourager. Parce que la vie ça, c'est tout temps qu'un de problème. Qui pas jamais fini, toujours recommencer. Travail en pile, c'est remède, toute bagaille qui dure. Faut que nous planter pour nous récolter. Parce que la vie ça, c'est tout le temps qu'un de problème. pas jamais fini, toujours recommencer. Travail en ville, c'est remettre toute bagaille qui dure. Faut que nous planter pour nous récolter.